Ouais, c'est du doujol, vas-y, mets le sang en balle. Faudrait qu'on se soude, mais tout le monde se fait la tête. Arrête de dire aux gens que je me suis fait la malle. Je pourrais te faire un match, je serais un peu au check, mais je suis pas loin. Mais t'inquiète, j'en passe ma main. Je traînais au check, mon coffre, j'étais à moins. Je disais aux clients, ici, à le point, mais à l'ouest, je cristallise sur un souvent, ouais, ouest. Ton quartier, c'est le far west. Ici, tu es chez nous, donc t'as des far west. C'est la misère, ouais. Y'a des armes, ouais. Y'a du shit, ouais. Y'a de la peur, ouais. Viens dans my world. Pourquoi tu m'arrêtes? Pourquoi tu parles trop? Ma t'es suite à ta Darren. J'fume la beuh, j'me nique les neurones. Ces choses qui sont prêts à faire pour des euros. Faut pas les nerveux, on a tous un cerveau. J'pourrais te lever la vie, mais à quoi ça sert gros? Armé comme un Serbie, c'est pour bientôt. Pour te fumer à l'aube, ça se couche bientôt. Toute grammaire, c'est tout nos synthés. J'connais bien le vice, mais c'est pas de me feinter. Le malheur m'a guinté, j'mis un bouclier sur mon cœur. C'est pire qu'une porte blindée. J'pense à ma vie, elle est trop ghetto. Sans casque, en baladero. J'suis plus tranquille quand j'me baladais haut. Là j'ai presque plus un, j'repars à zéro. Wesh ma gueule, wesh Pélo. Lève tes lunettes, ça fait un télo. Ça fait longtemps que je cherche à guinter l'autre. J'suis content pour toi, j'étais le quintelot. Ça me dégoûte, y'a que des fils de pute. Là j'ai écrit, ça fait longtemps que j'me vis des buts. Même si j'suis en T-Max, c'était encore un site au plus. Si j'suis bloqué les poteaux, j'vendrais mes CD au bus. Arrête de parler calage, t'as les mots mais pas la ganache. Et t'es salade, tu vas les faire dans ton passage. Trop la rage, faut que m'arrache, j'suis à bout. Tu veux ma vie, mon bust, c'est cadeau. Prends les soucis qui va avec. Et reste fort si un jour ça pète. N'écoute pas les gens, ils font tout pour te détruire. Ils ont vu que j'étais gentil, ils m'ont pris pour leur navette. La belle est pas sèche, j'ai pas le grinder. J'suis arrivé dans ton poste comme une surprise dans Kinder. J'ai deux albums de prix coffrés dans Finder. T'as des paroles de voyous dans un corps de finger. J'suis bien, j'fume un peu devant la demi-lune. J'vois que des murs comme voyant en cellule. J'dis tout le temps que j'ai mal pour pas que j'simule. Ma vie a changé, j'la voyais si nulle. J'ai une vie d'aloca, viens avec moi, je t'aime bien, mais je te nique ta maman si tu pars mal aux fans. J'ai la gorge sèche, bon, tu voles vite fraîche pour allumer le feu, il suffit d'une baisse. Je parle à la miss, elle me dit je veux que tu me baises. Elle me dit je refais, tu es avec Jules the best. J'ai pas tourné la veste, elle est réversible. Tous ma famille, t'es ma première cible. Tu fais le mec de la science, t'es pas quoi, c'est un style. Tu fais le mec à la fume, et là tu sers un cible. Au sol, ils m'ont donné du jubrici. Je m'en rappelle, j'ai qui du ici. Ouais, si, l'avocat me rend visite. Je lui dis fais-moi sortir d'ici. Trop de buzz, trop d'ennemis, on a connu la zéro. On veut tous la belle ville, alias c'est la belle miss. Je crois qu'ils rigolent de nous, si y'a rien secret on le noue. Ils tirent le yo-yo, toi tu lui donnes du mou. What you gonna do, que ça balafle le dos. Quand les soucis seront là, tu feras moins le beau. Je te mens pas, je suis au bout. Moi ma vie c'est comme les pâtes à Asdine. Gros, elles ont pas de goût, ah, je tiens pas debout. J'ai les nerfs à vif, arrête de parler mal quand les mères arrivent. Moi je suis comme vous, gros, je veux le tarif. Je sais que j'ai pas vu le pire et que le meilleur arrive. Et j'ai traîné dans les zones à risque. J'ai pas sucé moi, pour sortir un disque. C'est la street réalité, gros. Alors je roule un bis, c'est pas ma faute si je t'évite. Merci, tu m'invites. Mais quand je suis là, t'es bizarre, gros, tu m'évites. La galère, je voulais l'éviter. Je travaillais dans des sites, je dormais dans ma casse avec mon pit. Ma cité, mes potes ont me chauffé, m'exciter, m'inciter. Twingo, repérage, pète ta barrière au péage. On te fouette si t'as coffré, c'est que t'as voulu nous niquer, hein. Ma cité, mes potes ont me chauffé, m'exciter, m'inciter. Twingo, repérage, pète ta barrière au péage. On te fouette si t'as coffré, c'est que t'as voulu nous niquer, hein.